Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est parti pour une heure de curiosité scientifique avec Futur Simple. Cet automne, alors que j'assistais à un congrès sur les éco-matériaux quelque part à Val-des-Sources, des entrepreneurs sont montés sur scène et ont pris le micro pour présenter une lampe et du cuir. Rien d'original a priori, sauf que la lampe est faite à partir de marc de café et le cuir est fait à partir de peau de pomme. Et les deux entrepreneurs en question sont Grégory Hersant, cofondateur de Flora Cuir Végétal. Bonjour Grégory. Bonjour. Et Alexandre Savard, cofondateur de Encore Biomatériaux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors je suis bien contente de vous accueillir au micro pour nous démystifier comment on passe de la pelure de pomme au cuir végétal et du marc de café à une lampe. C'est quand même assez original. Je vous demanderai tout d'abord de vous présenter un peu mieux que ce que j'ai fait. Donc je vais commencer par Grégory. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, Grégory Hersant, je suis donc cofondateur de Flora Cuir Végétal. On a créé l'entreprise il y a 3 ans, exactement. Et j'ai un parcours de chimiste en recherche et j'ai une certaine passion pour la valorisation des matières résiduelles. Mm-hmm. Et Alexandre ? Oui, donc moi c'est Alexandre, cofondateur de Encore Biomatériaux. Et en fait, je suis étudiant à la maîtrise en génie des matériaux lignocellulosiques. Donc, un mot très compliqué pour dire qu'on fait quelque chose avec la biomasse, des matériaux naturels. Puis, moi aussi, là, passionné par la valorisation, puis les nouveaux matériaux, en fait. Mm-hmm. Et là, donc, vous faites de la valorisation de matériaux, mais pas n'importe quel matériau, donc des déchets alimentaires. Puis j'ai envie de poursuivre avec toi, Alexandre. Les déchets alimentaires, on le sait, hein, on en produit énormément, puis on pourrait faire autre chose avec ça que juste les mettre à la poubelle. Même peut-être mieux que faire du compost ou du gaz naturel. On peut en faire quelque chose de mieux. Oui, absolument. Si on parle au Canada spécifiquement, là, on parle d'à peu près 2/3 de la nourriture qu'on produit qui est jetée. C'est à peu près le 33% dans le cycle qui est industriel, puis 33% à la maison. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de matière qui est disponible, des gisements qui sont là, puis évidemment, on n'en est pas à l'étape de valoriser toute cette matière-là, mais c'est ça le but ultime, c'est d'être capable de faire quelque chose puis de donner une deuxième vie à cette matière-là. Si on regarde un peu au niveau de l'économie circulaire, là, au Québec, on parle d'à peu près 3,5% de l'économie qui est circulaire. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a à peu près 96% de toute notre production qui, dans le fond, suit un cycle linéaire. Mmh. Fait qu'en gros, on extrait la matière, on la produit, on l'utilise, puis ensuite on la jette. Fait qu'il y a beaucoup de place à créer, puis à s'amuser avec ça, puis il y a beaucoup de matière, en fait, beaucoup de possibilités, là, puis beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Oui, puis donc c'est à toutes les étapes du cycle de vie de l'alimentation, parce qu'au champ, il y a des choses qu'on ramasse pas, ou alors il y a des choses qui se perdent en cours de route. Après, dans l'industrie, il y a encore des déchets alimentaires, puis à la maison, il y en a encore. Donc, puis il y en a qu'on perd parce qu'on les oublie au frigo, puis ensuite, il y a les déchets, on mange, mais il y a les os, il y a tout ça, les épluchures qu'on mange pas. Absolument. Donc, il y a un vaste choix quand même dans les résidus alimentaires. Oui, absolument. Puis tu sais, il y a un éventail de possibilités, de choses qu'on peut faire avec. Mmh. Je pense qu'en premier lieu, le meilleur, c'est toujours de renvoyer dans l'alimentation, de le réutiliser si on est capable, soit dans l'alimentation animale ou même alimentation humaine. Après, il y en a tellement que nous, ce qu'on s'est dit, puis Grégory aussi, la même chose, c'est cette matière-là, est-ce qu'on pourrait en faire un matériau puis la réutiliser pour remplacer des matériaux traditionnels qui sont soit du plastique, du métal, du bois, qui, certains d'entre eux, peuvent être très polluants. Puis là, ce que j'aime dans votre approche à tous les deux, c'est que, bon, les déchets alimentaires, on le sait, ben, à Québec, on a notre sac mauve, on les met dans le sac, ça devient du gaz naturel liquéfié, donc il y a une forme de recyclage. Ça peut être aussi à la maison, on peut en faire du compost, mais ça, c'est un recyclage primaire. Mais là, ce que vous faites, c'est un surcyclage. Donc, c'est quoi un surcyclage, Grégory? Un surcyclage, comme tu l'as mentionné, Valérie, c'est vraiment qu'on va aller chercher une autre valeur que la valeur énergétique dans la matière résiduelle. Parce qu'il faut savoir que dans le surcyclage, ça va concerner pas seulement, mais beaucoup les matières organiques, c'est des matières qui sont putrescibles. Donc, elles ont une durée de vie, si on les traite pas, qui est très courte, elles vont se dégrader, la moisissure qui va se développer. Et à l'intérieur de ces molécules-là, il y a beaucoup de molécules intéressantes pour toutes sortes d'applications. Donc, comme le disait Alexandre, ça peut retourner dans l'alimentaire éventuellement, ou bien d'autres applications dans le domaine des matériaux parce qu'il y a des fibres qui peuvent devenir structurantes. C'est vraiment l'avantage par rapport, donc je dirais, je les mets pas en opposition, recyclage versus surcyclage, c'est deux approches différentes. Mais disons qu'avec les matières avec lesquelles on travaille, c'est vraiment le surcyclage. On peut pas les recycler, donc c'est plus possible. Oui, c'est apporter une valeur ajoutée quand même. C'est faire plus que ce qu'on avait auparavant. On a une pelure et on en fait plus. Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, c'est pas gaz naturel liquéfié, mais renouvelable que je voulais dire, je me corrige. Donc vous travaillez l'un et l'autre sur le marc de café, les pelures de pommes. Donc j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Alexandre, qu'est-ce qui est parti à l'avance dans l'histoire? C'est comme l'œuf et la poule. C'était quoi? C'était l'idée de faire des lampes et avec quoi on va faire ça? On va prendre du marc de café, ou alors on a du marc de café et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On en fait des lampes. C'est une bonne question. L'idée est venue un peu de plus mon parcours professionnel. Moi, j'ai en fait, dans mon parcours universitaire, j'ai travaillé à extraire des microplastiques des sols, donc dépolluer l'environnement du plastique. Par la suite, je me suis dit, ben, Colin, c'est le fun dépolluer, mais on pourrait recycler peut-être tout ce plastique-là. Puis en travaillant dans le recyclage, je me suis dit, ben, crime, on recycle la matière, on leur donne une nouvelle vie, mais on n'est pas en train non plus d'arrêter la production de ce matériau-là. Donc, est-ce qu'on pourrait développer des matériaux alternatifs? Puis de là, il est né un peu l'idée d'utiliser, par exemple, des déchets urbains alimentaires comme le marc de café. On utilise aussi la drèche de bière. Donc, c'est nos deux résidus qu'on utilise. C'est à quelle étape, la drèche de bière, là, dans la fabrication de la bière? Ça arrive quand? La drèche de la bière, donc, c'est la céréale, en fait, après qu'on ait extrait les sucres pour, en fait, la fermentation. Il va rester des fibres, puis ces fibres-là, en fait, sont un déchet. Donc, ça ressemble vraiment à des céréales humides que nous, on vient prendre, on les déshydrate, puis on les intègre dans notre procédé. Donc, le point de départ, c'est la drèche de bière, le marc de café, puis là, il y a un procédé, et vous transformez ça en lampe. Ouais, grosso modo, je pense qu'on pourra en parler peut-être un petit peu plus tard, plus en détail, mais grosso modo, c'est ça. C'est ça. Et toi, Grégory, est-ce qu'il y a l'un qui vient avant l'autre? C'était l'idée de faire du cuir et on fait ça, on prend des plures de pommes? Ou alors c'est, tiens, il y a des plures disponibles, qu'est-ce qu'on fait avec? En fait, l'histoire est un peu plus compliquée. Nous, c'est vraiment l'histoire de l'entreprise, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre Fanny, qui est cofondatrice avec moi, qui est styliste de formation et qui voulait développer, en fait, un cuir alternatif. Elle est végane. Et elle voulait offrir, en fait, à sa clientèle un cuir fabriqué au Québec, végane au départ. Et puis, finalement, on s'est rencontrés. Donc, on a eu une rencontre sur LinkedIn. Ça a commencé comme ça, notre aventure. Puis moi, j'ai amené tout le côté matière résiduelle, puis j'ai regardé un peu son idée, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant. Donc l'idée d'aller vers le cuir de pomme a fait rapidement du sens parce qu'en même temps, on savait qu'il y avait un gisement important. Le Québec est un grand producteur de pommes. Donc il y a des résidus, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc nous, on utilise certains résidus pour faire nos cuirs. Et donc, c'est vraiment ça qui a motivé la création de l'entreprise. Donc, au départ, la genèse de Flora, c'est vraiment de créer un cuir à partir de matières issues de l'industrie agroalimentaire. Et on commence par la pomme parce que on voyait donc l'importance du gisement, puis la belle histoire aussi racontée autour de la pomme du Québec. Bah oui, absolument. Donc on va justement rentrer un petit peu dans profondeur dans le procédé, parce que ça reste quand même mystérieux. Comment on transforme du marc de café en lampe ou de la drèche? Est-ce que c'est le même procédé pour les deux? Oui, grosso modo, c'est le même procédé. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va récolter la matière en premier chez soit des micro-torréfacteurs ou des... j'ai un blanc. Les producteurs de bière, donc les micro-brasseries, pardon. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on déshydrate la matière. Donc, on met ça dans un déshydrateur, puis c'est vraiment... Si on veut, l'étape critique, c'est de la neutraliser, c'est d'empêcher qu'elle commence à se moisir ou à se dégrader, si on veut. Puis ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la mélanger avec une biorésine qui est 100% naturelle et compostable. Et puis, par la suite, on peut la passer dans différents procédés. On a un procédé, en fait, qui est de moulage par compression. Donc, on vient la mettre dans une presse hydraulique, puis on lui donne une forme grâce à un moule. Ou on peut utiliser aussi un procédé par injection, qui est un peu un procédé semblable à la plasturgie, mais où on utilise pas des plastiques, finalement. Mmh. Est-ce que ce serait possible en impression 3D? Est-ce qu'on pourrait mettre cette poudre de marc de café ou de drèche dans l'imprimante pour imprimer la lampe? Oui, ça serait possible. La difficulté, c'est qu'il y a un peu... En fonction des procédés qu'on choisit, on peut ajouter plus ou moins de matière résiduelle dans chacun. Mm-hmm. Par exemple, pour ce qui est des procédés par compression, là, on est à une très haute charge en matière résiduelle. Puis là, quand on tombe, par exemple, dans l'injection ou, par exemple, pour l'imprimante 3D, bien, on pourrait ajouter des pourcentages plus faibles de ces résidus-là, un peu par la nature du procédé. Là. Fait qu'on n'en est pas là, mais ça mm-hmm. serait possible, effectivement. Est-ce que ça s'était déjà fait de fabriquer des objets à partir de marcs de café? Est-ce que vous avez inventé la recette ou il y avait déjà des préalables, peut-être des publications qui avaient déjà travaillé avec du marc de café pour vous donner la piste? C'est-à-dire, je pense qu'il y a plusieurs initiatives qui existent en Europe. Au niveau de la recette, en quelque sorte, c'est toujours un peu mystérieux. Chaque initiative a un peu leur sauce secrète, puis c'est très peu partagé. Je comprends. mais l'idée existe ailleurs, puis on s'en est certainement inspiré, puis on a aussi développé nos propres choses à l'interne. Et donc, cette résine, c'est une biorésine. Est-ce qu'on a le droit de savoir de quoi elle est issue ou c'est confidentiel aussi? Oui, exact. Ouais, okay, alors, malheureusement, pour l'instant, on garde ça confidentiel. Ouais. Un jour, peut-être, on dévoilera le secret des dieux, mais pour le moment, on garde ça. Donc, pas. Donc, en fait, c'est assez simple en termes d'ingrédients parce qu'il y a le marc de café et puis la biorésine. Ouais. Et on presse ça. Donc, est-ce qu'on doit le chauffer? Je ne me souviens plus. Oui, exact. Ouais, donc, j'ai pas précisé, mais on vient chauffer en fait la biorésine, puis elle se comporte de manière thermoplastique, c'est-à-dire qu'avec la chaleur, elle va se ramollir, puis ensuite de ça, qu'elle va refroidir, elle va prendre une forme, ouais. Puis elle va intégrer le marc de café et la drèche. Exact. Puis sinon, si on parle de biorésine, en fait, on peut parler d'une recette. Donc, on ajoute différents éléments. Là. Donc, c'est vraiment plusieurs ingrédients mis ensemble qui font la biorésine. Puis nous, ce qui était vraiment important pour nous, c'est que cette biorésine-là soit 100% naturelle, puis 100% aussi biodégradable, même si on la lance dans la forêt, qu'elle n'ait pas besoin de situation de compost industriel pour se dégrader. Mmh. Donc, on a vraiment fait des choix qui permettent en fait d'éviter que si cette matière-là est pas traitée dans les résidus conventionnels ou dans les postes ouais. de gestion de matières résiduelles conventionnelles, qu'elle puisse quand même retourner à la nature. Mm-hmm. Ouais, c'est bien d'y penser au moment de la conception. Oui, absolument. Parce qu'après, c'est un peu trop tard. Puis une fois que le procédé de fabrication est mis en place, c'est difficile de remplacer un ingrédient par un autre. Donc, c'est bien, c'est une belle idée d'y avoir pensé au début. Pourquoi on fait des lampes et pourquoi pas autre chose? Parce que j'imagine qu'on pourrait faire autre chose. Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, tu sais, c'est que quand on travaille avec les biomatériaux, c'est que souvent, on est confronté à toutes sortes de contraintes externes auxquelles le matériau doit résister. Puis pour nous, c'est une belle opportunité puis une belle avenue, une première application pour démontrer que c'est un matériau qui est durable, puis en même temps, ne pas le soumettre à, je sais pas moi, des intempéries externes où il y a de l'eau qui tombe dessus, toutes sortes de choses. Donc, on a ciblé ça un peu comme étant une application facile, puis pour démontrer un peu la faisabilité de la chose, puis ensuite de ça, étendre un peu l'éventail des possibles. Et d'un point de vue, je sais pas, matière, texture, ça ressemble à quoi? Ben, on pourrait. Beaucoup de gens nous disent que ça fait un peu penser là, à du liège pour ce qui est de la drèche de bière. Mais tu sais, on est quand même sur une matière assez solide, fragile aussi, donc elle est très résistante, mais une fois qu'elle atteint un peu son point de rupture, elle casse d'un coup. Donc, on pourrait penser un peu à de la pierre ou à du bois, là. Et ça a quelle couleur? Est-ce que ça a la couleur du café? Oui, pour ce qui est de la matière café, on est sur un brun, un ton assez foncé. Puis sur la drèche de bière, on est, tu sais, c'est assez difficile quand on est sur des matières organiques de pas tourner vers le brun. Donc on est sur une couleur plus pâle où on voit le grain. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que on a l'odeur en fait de la céréale ou du café qui se dégage là des pièces. Donc on a vraiment si on veut, une espèce d'expérience olfactive aussi là, avec les pièces. Et donc, quand on met une ampoule dedans, parce que, bon, une lampe, c'est fait pour mettre une ampoule, en tout cas, quelque chose qui va éclairer et éventuellement chauffer, est-ce que ça va faire ressortir cette odeur-là? Oui, absolument. Ah ouais? Ouais, avec la chaleur, c'est sûr que ça dégage un peu les odeurs. Puis dans notre atelier, là, dans notre procédé, ça sent très... ça sent bon, ça sent la céréale puis le café, là, donc... Tu dis « nous », donc ça veut dire que t'es pas tout seul. Effectivement. Donc, moi aussi, j'ai un cofondateur qui s'occupe plus du côté administratif, marketing, développement des affaires, qui est Nicolas Jourdan-Gassin. Puis, on a aussi un premier employé là, qui nous aide avec toute la gestion de l'atelier puis de la production. D'accord. Et finalement, une dernière question avant de passer avec Grégory. Pour que ce soit une lampe, il faut quand même... Faut pas que ce soit complètement opaque quand même. On veut voir la. Faut que ce soit translucide. Faut que ça laisse passer un peu de lumière. Pas juste de la lumière par en dessous, mais quand même un petit peu à travers la matière aussi. Ben, c'est un bon point. Notre premier modèle, là, qui est la lampe Ombra, elle est opaque. Donc, on l'utilise un peu comme un abat-jour, puis elle dirige la lumière. Mais en fonction de l'épaisseur qu'on donne à la pièce, là, il y a une certaine translucidité à la matière. En fait, bon, j'ai une autre question aussi. Oui, vas-y. Est-ce que vous avez eu l'idée de faire des tasses de café? Oui, l'idée est déjà venue. C'est tout un domaine aussi quand on veut tomber dans le côté alimentaire. Là, il y a des ingrédients qu'on ne peut pas utiliser. Ah, c'est vrai. Puis il y a toutes des certifications à aller chercher à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà regardé, qu'on regarde encore, peut-être dans un futur rapproché, mais pour l'instant, c'est pas immédiat. Ce serait comme original de faire une tasse de café avec du marc de café. Oui, ou alors vraiment. Une chope de bière avec de la drèche de bière, avec quelque chose d'assez original. Alors, on va poursuivre un petit peu ensuite pour savoir comment que... Bon, l'idée est belle, mais après, il faut quand même la commercialiser. Mais avant ça, je vais me tourner vers Grégory pour en savoir plus... sur les pelures de pommes et le cuir. Alors, en fait, on va juste introduire un petit peu, parce qu'on va bientôt arriver à l'heure de notre pause, mais juste, on va juste introduire un petit peu. Donc, c'est vraiment avec les pelures de pommes. Oui, en fait, on peut travailler avec deux intrants, soit les pelures de pommes. Donc, c'est généralement des vergers qui vont produire des compotes de pommes et qui veulent valoriser donc la pelure de pommes. Mais on peut aussi travailler avec le marc de pommes. Donc, ce qui est en fait le résidu de pressage du jus ou le produit de fermentation qui est utilisé pour, par exemple pour faire du cidre de glace. Donc au niveau du procédé, il y a beaucoup de similarités dans le traitement. Donc nous, on a la chance de travailler avec un verger qui nous fournit déjà une poudre de pommes stabilisée. Ah, déjà la poudre est là, oui. Stabilisée. Okay. Absolument, donc c'est cet ingrédient-là au niveau de la pomme qu'on va utiliser donc, dans notre recette. Mais pourquoi est-ce que ce fournisseur-là fait de la poudre? Ça lui sert à quoi de faire de la poudre? Ça a été longtemps, il y a eu plusieurs producteurs, les gros vergers au Québec ont produit de la poudre de pomme qui s'en allait en nutrition animale. Donc c'était mélangé avec différents autres intrants, soya, etc. pour nourrir les animaux. Donc, ça a été un marché pendant quelques temps qui, visiblement, est moins intéressant maintenant. Donc, c'est. Ah, Puis, il y a aussi une certaine utilisation comme intrant dans l'industrie alimentaire. Donc, c'est des entreprises, en fait, qui sont équipées en grades alimentaires et qui retournent une partie de la poudre comme additif dans différents produits dérivés, en fait. Donc là, cette poudre de pomme, bon, ça arrive, c'est sec là, si c'est de la poudre, Oui. donc on n'a pas besoin de la sécher, elle est déjà sèche. Dans notre procédé, il faut la Ah ressécher. Nous, oui. c'est vraiment zéro, moins de Ah. 0,5% d'humidité à l'intérieur. Ouais. Mais elle arrive déjà très sèche, effectivement, il y a quelques pourcents, là. Puis, Et que lui arrive-t-il donc ensuite à cette poudre de pomme? ensuite, elle est mélangée parce que, bien sûr, si on prend de la poudre simplement, comme le marc de café d'ailleurs, puis qu'on essaie de le faire tenir les particules ensemble, on n'y arrive pas. Donc, il y a un agent liant qui est utilisé. Donc, on utilise un biopolymère différent de celui de encore biomatériaux, mais on va utiliser un agent liant, entre autres, qui va venir lier les poudres de pommes, puis nous donner un film. Donc, il y a d'autres choses, il y a des colorants aussi C'est quoi, c'est naturels. laminé pour donner le En fait, film? c'est nous on utilise aussi une technologie qui est utilisée dans l'industrie de la plasturgie, c'est de l'extrusion. OK. Donc on fait notre mélange de tous nos ingrédients par extrusion, on va produire un film et le film en fait est, oui, effectivement, est laminé ensuite sur un tissé support parce que la plupart des cuirs sont commercialisés sur un support textile. Donc on va le laminer, donc ce qui évite de le coller. Puis ensuite on le texture, puis on peut venir déposer à l'infini de surface, donc pour avoir une apparence similaire au cuir animal. C'est très intriguant. On va faire une petite pause musicale avant de rentrer davantage dans le procédé. On va écouter Cœur de pomme de Hugo Fleury. petit cœur de... De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1 et l'émission se poursuit sur le thème du surcyclage des résidus alimentaires avec Grégory Hersan, cofondateur de Flora Cuir Végétal, et Alexandre Savard, cofondateur de Encore Biomatériaux. Alors, on a vu un peu le procédé de transformation du marc de café, de la drèche de bière en lampe. Mais on a fait juste effleurer comment on transforme les pelures de pommes en cuir. Donc là, donc, Grégory nous disait on obtient de la poudre de pommes de la part d'un verger qui fabrique déjà de la poudre de pommes. Donc sans doute qu'il est bien content de trouver un nouveau client pour sa poudre d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc là, comment cette poudre est séchée et ensuite avec... comment ça s'appelle, là, comme pour les plastiques L'extrusion. Extrusion, voilà, oui. Extrusion, on produit un fil, puis on lamine, puis on produit une feuille de cuir, si oui, je peux dire. Oui, exactement, c'est ça. Une feuille de cuir dont on peut varier l'épaisseur en fonction des besoins du secteur, du marché. Puis ensuite, on vient texturer en fait cette surface, si on veut, on peut la laisser lisse, mais on va lui donner une texture. Puis finalement, on va appliquer un fini de surface. Souvent, il y a un fini qui est appliqué pour vraiment venir protéger par une dernière couche finalement la surface, la surface du cuir. Puis ensuite, il est enroulé, puis il est prêt à être utilisé. Il est prêt à être utilisé. Oui. Et là, donc, quand tu dis texturé, c'est pour lui donner un peu l'allure. Bon, du cuir, c'est comme un petit peu grumeleux des fois. Oui. Là, c'est pas toujours lisse, c'est un peu grumeleux. Donc, on est capable de donner cette allure-là? Absolument. C'est une technique qu'on appelle l'embossage. Donc, ça, c'est pas révolutionnaire. Ça se fait déjà dans l'industrie du cuir. Donc, en fait, on vient impliquer... C'est une calandre, en fait, qui est texturée avec un motif. Il y a différents motifs qui peuvent être appliqués. Et on vient presser en fait la surface du cuir. Nous, ce qui facilite les choses, c'est que durant notre procédé, le cuir est encore chaud, donc il est tendre. Mm-hmm. Et là, le motif vient s'imprimer donc à la surface du cuir. Donc il y a une très grande variété de textures possibles. Puis on peut le teinter? Oui, c'est sûr que généralement il est teinté pendant l'étape de mélange au moment de l'extrusion. Mm-hmm. Donc on va introduire des pigments de différentes couleurs que l'on va ensuite introduire en différentes proportions puis pour essayer d'avoir les couleurs les couleurs désirées. Et après il faut quand même qu'il ait une certaine solidité pour en faire des objets, donc il va être utilisé. Bon, tu le dis là, donc Fanny, c'est ça? Oui. Elle vient du secteur de la mode. Oui. Donc j'imagine c'est pour faire des vêtements, mais peut-être que ça peut servir, il y a plein d'objets en cuir. Oui, ben en fait on a commencé naturellement, étant donné que Fanny était dans ce domaine-là, envisager le secteur de la mode, mais on a fait un petit pivot comme entreprise, donc on s'en va plus dans nos premières commercialisations vers l'industrie du meuble. Ah. Donc chaises, tabourets, oui, sofas. Ben, c'est là que ça prend une certaine résistance. Absolument. Quand même. Fait que on passe justement à peu près une dizaine d'analyses, de points de normes, de tests mécaniques, résistance à l'abrasion, vieillissement accéléré, ce genre de choses-là, justement pour atteindre les standards de l'industrie du meuble. Mais là aussi, pour faire un divan, par exemple, ça prend une bonne quantité, une bonne surface de cuir. Ça va prendre beaucoup de pelure de pomme. Oui. Est-ce que l'alimentation va suffire? Ben, je vais l'alimentation. Est-ce qu'il va y avoir assez de fourniture de poudre de pomme? Je dirais que oui. Ben, si on regarde simplement le verger qui nous fournit avec nos prévisions financières de développement d'entreprise, on en a facilement pour 3, 4 ans, voire 5 ans sans problème. Mm-hmm. Puis le gisement, il est très gros au Québec. On parle de... Donc, des fois, les chiffres sont pas concordants, mais à peu près 70 000 tonnes de résidus de pommes. Si on considère toutes les pommes transformées donc au Québec, c'est à peu près 50% de la production qui est transformée en jus, en cidre de glace. Mm-hmm. Et ça, c'est sans compter les pommes qui sont importées par certaines entreprises qui produisent des jus au Québec. Donc, on rajoute une autre quantité. Donc, il y a vraiment un gisement qui est très gros. Mais je me demande, je sais pas si tu as la réponse, mais je me demande combien de pommes il faut pour faire, mettons, 1 mètre carré de cuir. Moi, je sais pas si t'as la réponse. Moi, c'est plus facile de le donner en grammes, mais on pourrait après passer des grammes à la pomme. C'est à peu près, je dirais, 600 à 700 grammes par mètre carré. 600 à 700 grammes de poudre. Une pomme, je pense que ça fait à peu près 200, peut-être 100, 150 grammes à peu près. Ouais, quand même. Donc, je dirais 5-6 pommes par mètre carré de cuir à peu près, ça serait raisonnable. Ouais, j'avais vraiment cette curiosité. Et de ton côté, Alexandre, est-ce qu'on a une idée aussi combien de... je sais pas, de grammes de marc de café il faut pour réussir à faire une petite lampe de bureau? Oui, pour ce qui est de la lampe de bureau, là, on a à peu près peut-être 1 kg de matière là, au total là, qu'on vient surcycler. Mm-hmm. Puis on est peut-être sur entre 700 puis 500 grammes là, par lampe là, qui, mm-hmm. de café. Donc Grégory, il a dit, bon, il a un fournisseur, là, c'est bien pratique, mais toi, dans ton cas, le marc de café, tu vas le chercher comment? En fait, on a eu la chance là, de trouver un gisement énorme, nous aussi, là, qui d'environ, là, je pense, c'est quelque chose comme 500 ou 600 tonnes de marc de café par année. Ah oui? Puis qui nous arrive déjà aussi déshydraté. Ah oui? Donc, ça nous enlève cette étape-là. Mais effectivement, on a fait l'étape de courir les micro-torréfacteurs, les cafés, puis de ramasser à 2 kilos de la fois, puis passer des heures et des heures à récolter. Ben oui. C'était extrêmement difficile. Puis là, on a réussi à sécuriser justement un gisement beaucoup plus gros, puis ça facilite beaucoup le procédé. Ben oui, parce que là, ça va être plus l'approvisionnement va être plus régulier en quantité et en qualité. C'est toujours la même poutre qui va arriver que Absolument. S'il faut aller chercher chez les gens, donne-moi ton marc, ça va jamais être pareil. Absolument. Ouais. Pour quand on parle de la drèche de bière, là, on a vraiment des quantités beaucoup plus importantes chez les microbrasseries. Donc, c'est assez intéressant là, de s'approvisionner mm-hmm. directement d'un seul microbrasseur qui produit à peu près là, par brassin peut-être 600 kilos. Mm-hmm. Fait que c'est quand même des quantités là, conséquentes mm-hmm. si on compare au café. Là. J'aimerais maintenant que vous me racontiez un petit peu comment on démarre ce genre d'entreprise parce que c'est quand même assez audacieux. Il va aussi falloir trouver les clients. Là. C'est peut-être pas tout le monde, tous les fabricants de meubles qui vont oser construire avec du cuir végétal, c'est peut-être pas tout le monde qui va avoir envie d'une lampe de bureau en marc de café. Donc, ça demande de l'audace. Et toi, Alexandre, tu es aux études. Je sais pas, Nicolas, ton cofondateur, il est également aux études. Donc, il est aux études aussi, oui. Donc, en plus de vos études, vous faites ça. C'est quand même assez audacieux. Et vous faites ça où? Au laboratoire, à l'université? Comment on fait tous les tests au départ avant de partir l'entreprise? Ben, c'est une excellente question, puis je pense que Grégory va peut-être en témoigner. Il y a une certaine partie qui est un peu de se lancer dans le vide. Là. Donc, ça commence effectivement avec des prototypes, des essais. Puis mais on fait ça où, à l'université? Ben, moi, en fait, j'ai commencé, j'avais un appartement où j'avais un sous-sol, puis je me suis construit une presse hydraulique dans mon sous-sol. J'ai commencé à expérimenter là. Puis effectivement, à l'université aussi, là, j'ai accès au laboratoire. Mais ça a commencé vraiment là, chez moi, dans mon sous-sol, à bidouiller un peu des trucs. Puis ce qui a été super important, c'est d'aller voir le client, l'utilisateur final, de lui montrer, puis d'aller chercher son feedback pour après ça retourner à la table à dessin puis faire plusieurs itérations. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est clé là, dans le développement d'un produit. Puis de ne pas rester trop longtemps dans le laboratoire avant d'aller parler aux gens. T'sais, souvent, on a peur de le montrer ou on trouve que c'est pas parfait quand on est des ingénieurs ou des scientifiques. Puis effectivement, ça ne l'est pas, mais des fois, on a des réponses qui sont complètement champ gauche puis qui sont pas ce à quoi on s'attend. Puis c'est pour ça que c'est super important d'aller parler aux gens avec des parce qu'il faut éviter de partir sur une mauvaise voie. Là, en allant parler assez rapidement, en montrant notre proto, on va pouvoir être aiguillé si on est parti sur une mauvaise voie et puis de s'enliser dedans. Absolument. Puis tu sais, c'est très facile de dépenser des dizaines de milliers de dollars mm-hmm. dans des prototypes, dans des procédés, dans des directions qui sont peut-être complètement fausses. Effectivement, aller chercher de la validation, c'est vraiment la clé. Mm. Là. Et pour Flora, ça s'est passé comment? Départ. Je dirais peut-être pour revenir. Donc c'est ça quand Fanny m'a contacté avec son idée de cuir de pomme. Moi j'ai fait des tests aussi à la maison. J'ai fait des tests préliminaires pour voir ok avec des agents liants est-ce que ça se tenait. Donc vraiment très rudimentaire avec les équipements que j'avais à la maison. Rapidement nous on est allé travailler avec un centre de recherche dans le domaine textile, le groupe CTT à Saint-Hyacinthe, mm-hmm. qui est un centre collégial de transfert de technologie. Et qui est devenu notre bras R&D avec qui on travaille encore d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis là, on a fait ça sérieusement avec des équipements, des normes, connaissent le marché. Donc c'est comme ça vraiment qu'on a développé. Puis comme Alexandre le mentionnait, rapidement, quand on a eu quelque chose de présentable, On a été voir différents Fanny, un très gros réseau dans le secteur de la mode. Donc, on a commencé par la mode. Puis on a présenté le produit, puis on a vu la traction. Donc il y avait déjà une traction importante. Donc bien sûr, il y avait des améliorations mécaniques, esthétiques à faire, mais on voyait déjà l'intérêt beaucoup des gens envers notre produit. Donc comme l'a dit Alexandre, l'important c'était rapidement de valider, pas de s'en aller dans une direction, d'investir des dizaines de milliers de dollars, puis pour se dire finalement on a quelque chose qui correspond pas aux attentes. Donc ça a vraiment été le chemin qu'on s'est tracé. Puis bien sûr, l'aide du centre de recherche nous a amené à présenter vraiment des prototypes super intéressants. Et quelles étaient les sources de financement? Parce qu'il faut quand même du financement, même pour acquérir du matériel de base, ça prend quand même un peu d'argent. Oui, ben je peux. Vous avez eu des subventions, oui, peut-être? Oui, subventions, oui, bien sûr. Au début, on a eu plusieurs subventions au niveau provincial, fédéral aussi, qui ont accompagné différentes étapes de développement de l'entreprise, donc qui nous ont permis de soutenir, nous particulièrement, les activités de R&D, là. Qui représente encore maintenant, là on commence à sortir de ces dépenses-là, mais qui représentait les trois quarts de notre budget de dépenses, en fait. Oui, puis même chose pour nous, là, tout ce qui est la R&D, mais aussi accès à, disons, des avocats, des comptables, ou différents types de consultants. On a eu de l'aide du gouvernement provincial et fédéral, entre autres. Puis ça a été vraiment clé là, à nous aider à commercialiser le produit. Si, nous, la grosse différence, si on veut, avec Grégory, c'est qu'on a eu une approche de faire tout le développement à l'interne. Donc, on s'est équipé, on a acheté différents équipements, on a pris un local industriel, puis on a commencé à bidouiller un peu. Puis on se le dit souvent avec Grégory, quand on se voit, c'est que chacun des méthodes, soit aller en centre de recherche ou le faire à l'interne, a ses avantages puis ses inconvénients. Nous autres, on est un petit peu plus flexibles, on peut essayer des trucs plus rapidement, puis changer. Parce que vous avez votre propre équipement, donc exactement. Vous êtes un peu maître de savoir ce que vous mettez dedans. Exactement. Ouais. Par contre, on a un loyer commercial à payer, ouais. On a des équipements à payer, donc chacune des méthodes a un peu ses avantages et inconvénients. Puis des fois, on regarde du côté de Grégory, puis on se dit, crime, c'est le fun de ne pas avoir besoin de payer le local commercial. Ouais. Quand on n'en a pas de besoin, mais je pense que les deux méthodes se valent, puis les deux, on en est arrivé à nos fins, c'est ça, parce qu'en fait, vous connaissiez déjà, avant de partir vos entreprises, vous connaissiez déjà? Absolument, puis c'est drôle parce que ce qu'Alexandre dit, moi j'ai le même ressentiment, nous on a moins de flexibilité, on peut moins essayer de choses parce qu'on n'a pas ou peu d'équipement à l'interne. Mais après, c'est des choix. Comme dit Alexandre, il y a des avantages et des inconvénients. Nous, en plus du centre de recherche, c'est que notre partenaire de production est un industriel. Donc, nous, on a accès. Le choix qu'on a fait, c'est parce que nos chaînes de production, je veux dire, financer une usine, dans notre cas, on parle de 4, 5, 6, 7 millions de dollars. On le fera peut-être un jour, mais on n'a pas les moyens financiers de faire un montage. Ça va être très long. Donc, c'est un peu le choix qu'on a fait, nous. Mais effectivement, ça amène son lot de défis, justement, d'arrimage avec les partenaires encore à peut-être pas justement à plus cette flexibilité-là qui peut être super utile. Mais à un moment donné, donc là, vous êtes un petit peu peut-être, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'échelle pilote peut-être, l'un et l'autre. Ouais. Donc à un moment donné, il faut passer en phase industrielle, voler de ses propres ailes. Donc comment vous allez aller vers ce nouvel élan? Ben, tu sais, je dirais que ce qui a été vraiment clé pour nous, puis dans le départ, nous, on a développé un procédé qui était difficilement adaptable ou difficilement sous-traitable par des industriels, justement. Puis ça a été un des pivots majeurs qu'on a fait cette année, c'est de dire, OK, ben, justement, on va pas commencer à bâtir une usine à 5, 6, 7 millions pour passer à l'échelle puis être capable de rendre le matériau plus accessible, justement. Faut s'adapter puis développer des procédés qui vont pouvoir après ça être produits par des gens qui se spécialisent là-dedans puis qui ont déjà les équipements puis la capacité de production pour faire ça. Mais là, est-ce qu'il y a un local? Est-ce qu'il y a de l'équipement pour passer à faire augmenter la production? Ben nous, en ce moment, c'est un peu, comme vous l'avez mentionné, un local pilote. Donc, on est en mesure de faire des petites productions, des petits lots, des prototypes. Puis une fois que, si on veut, on a un produit mature ou une demande pour un certain produit, ben là, on est capable de l'envoyer en sous-traitance, puis justement, de commencer à avoir des prix intéressants là, au niveau de la quantité. Et comment on fait pour vendre après? Parce que c'est bien de produire, mais il faut trouver un distributeur, des magasins, donc il faut faire une démarche auprès, je ne sais pas, des magasins d'accessoires de maison, je ne sais pas. Est-ce que c'est déjà, est-ce que vous en êtes déjà là? Oui, absolument. Ben c'est vraiment d'approcher différents fournisseurs puis de trouver des champions à l'interne dans les différentes industries qui croient en notre projet, qui croient en notre produit puis qui sont prêts à prendre un certain risque puis à peut-être adopter le produit même s'il n'est pas encore 100% fignolé. Puis ça, c'est vraiment, si on veut, en faisant des cold calls en bon français, donc en appelant les différentes personnes puis en essayant de toquer à des portes. Et du côté de toi, Grégory, il va aussi falloir à un moment donné voler de ses propres ailes, être un petit peu indépendant dans la production. Ça va se passer comment? Ben nous, en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on fait le pilotage du procédé avec la même entreprise qui va produire. Donc, ils ont l'équipement complet à l'échelle, à petite échelle, pour faire des rouleaux, je dirais, de 50 cm de large. Ils ont le même pour faire des rouleaux d'1,50 m à 1,60 m. Donc ça, déjà, ça va faciliter les choses parce que ça va se faire donc à l'interne. Donc, on est justement dans cette phase-là de transition. En début 2026, on va faire nos premières productions taille commerciale, donc des rouleaux pleine largeur. Oui. Ah oui. Donc, ça, c'est une grande étape pour nous. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, on sait aussi qu'ils ont la capacité de production pour suivre, admettons, une bonne nouvelle, on a plein de commandes. On est capable de fournir largement avec leur capacité. Puis au niveau du démarchage, je dirais qu'on a plusieurs approches, mais le point commun, c'est la collaboration. Donc nous, on est en mode, on collabore beaucoup avec nos futurs clients. D'abord, on est en B2B, donc on vend à des gens qui vendent un produit fini. Donc nous, on vend des rouleaux. Donc ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va finaliser le développement avec eux. Donc par exemple, dans l'industrie du meuble, et on a trois partenaires avec qui on travaille actuellement, l'objectif c'est de faire des prototypes qui vont être présentés dans les salons. Si l'intérêt est là, ce qui est l'intérêt pour tout le monde, bah là ça devient nos clients. Donc on peut vendre notre cuir pour une ligne de chaises ou de fauteuils qu'eux auront développé. Donc en fait c'est Fanny qui a vraiment développé cette approche-là, aussi bien au niveau du secteur de la mode que du meuble. On est vraiment dans cette approche collaborative-là, ce qui facilite beaucoup les choses, puis ce qui permet d'établir une belle relation aussi avec nos futurs clients. Est-ce que vous avez senti un certain intérêt de la part des fabricants de meubles pour de cuir vegan? Parce que finalement, oui, ça va faire un meuble, c'est ça, du cuir vegan? Justement, ça me permet, ce que tu dis, de faire une nuance, c'est que nous, notre cuir, en fait, il est complètement biosourcé. Donc, il n'y a pas de matériaux à plastique à usage unique. Oui, c'est vrai, c'est une bonne différence, parce que des fois, il y a des produits vegan qui sont pétro-sourcés. Absolument. Et puis, c'est justement là l'intérêt dans l'industrie du meuble, actuellement. Ils font face à plein de défis, là, on le sait, avec ce qui se passe au sud aussi, dans cette industrie-là. Puis ils veulent se tourner beaucoup vers le marché européen, qui est un marché beaucoup plus normé, plus exigeant, justement, qui demande des produits plus éthiques. Donc, il y a un grand intérêt pour ce genre de produits. Effectivement, leurs clients demandent de plus en plus donc d'avoir des produits plus renouvelables, plus éthiques, avec un impact carbone qui soit moindre. Nous aussi, oui. Puis j'imagine qu'après, au-delà du meuble, il y a d'autres débouchés sur tout ce qui est maroquinerie, en fait. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment en Europe, ça se passe. Il y a un petit marché. Il y a quand même, je dirais, un secteur de la mode qui est dynamique au Québec. Il est petit, mais c'est sûr qu'en Europe, c'est un marché qui est énorme. France, Italie, entre autres. Si je parle de ces deux pays-là, là, il y a vraiment un marché important. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné un bureau avec des chaises en cuir flora, cuir végétal, et puis des petites lampes encore biomatériaux? Ben oui, ça serait vraiment le rêve en tout cas. Mais absolument, je pense qu'il y a des collaborations possibles, puis on est encore à la recherche de la collaboration parfaite entre nos deux entreprises. Même pour les distributeurs, peut-être que vos produits pourraient se retrouver en vente dans les mêmes magasins. Absolument. Ben oui, on le souhaite. Oui, tout à fait. Et pour avec la drèche, c'est pareil, ça donne les mêmes produits, ou est-ce qu'il y a possibilité d'aller... Il me semble d'ailleurs que sur votre site, il y a un troisième intrant possible, hein, non? Il y avait la drèche. Oui, on a travaillé à nos débuts avec le chaff de café, qui est une petite pellicule qui se sépare du grain de café lors de la torréfaction. On a fait le choix récemment de la discontinuer. Entre autres parce que ben on avait comme trois matières, puis chaque, si on veut, matière est un peu une difficulté logistique, puis va se comporter aussi différemment dans le procédé. Donc on a décidé de vraiment focusser nos opérations puis de limiter ça à deux. Rien n'est dit qu'on n'en aura pas plus un jour, mais quand on est une start-up, là, on a tellement de choses qui arrivent, il faut être capable de focusser justement sur certains aspects. Donc c'est ça, là, maintenant on a le marque de café et l'adresse de bière qui nous servent en fait de coloris à notre matériau. Fait que justement, si on veut étendre puis avoir une nouvelle couleur, on va sûrement peut-être intégrer un nouvel intrant, je ne sais pas, le Grégory bleuet, a déjà des colorants pour ses cuirs, donc il pourra t'aiguiller pour mettre d'autres couleurs dans les lampes. Oui, absolument. En tout cas, c'est vraiment très intéressant de vous entendre tous les deux, et j'espère que vous allez aller loin pour qu'on puisse avoir plus de ces matériaux faits à partir de résidus alimentaires qui autrement sinon se perdent et ne servent à rien. Donc félicitations à tous les beaucoup. Deux. Et puis, c'est ça. Félicitations. Merci Valérie. Merci donc, Valérie. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Grégory Hersant, qui est cofondateur de Flora Cuir Végétal, et de Alexandre Savard, cofondateur de Encore Biomatériaux. Merci.